et par ces nuits d'hiver où le vent noir s'ennuie, tandis que seul, loin de tous, votre corps recevra goutte à goutte la pluie qui fera vos restes plus mous, dans l'éblouissement des lustres féeriques, jouant sur les beaux cheveux blonds, dans les fleurs, les parfums, les danses et les musiques, dans le va-et-vient des talons, ces habits noirs glacés au monocle très calme qui jadis vous faisait la cour, à de fraîches beautés, s'éventant d'une palme, rediront leurs clichés d'amour. Tout, sans vous, le soleil, l'opéra, l'art, les modes, et les fleurs, ô nature aveugle, que tu brodes avec les atomes des morts.